y a quelques exceptions pour donner un ordre. Par exemple, quand dit-on « je vous le dis » si on vous voit son interlocuteur? Glielo dico. Glielo dico, oui. Et dites-le-moi, toujours le vouvoiement, comment dit-on ça? Me lo dice. Me lo dice, c'est vous me le dites. Je vous ai demandé, dites-le-moi. Dica me lo... non, melodica. C'est ça, melodica, melodica. Traduisez maintenant, ne me le dis pas. Non me lo dire. Oui. Non me lo dire ou non dirmelo. C'est ça, non dirmelo ou non me lo dire. Maintenant, supposons que vous vouliez dire « ne me dis pas ce que tu veux acheter ». Notez bien qu'ici, il n'y a pas de « le » après le « me ». Donc « me » se traduira par « mi ». Oui. Dites-moi alors « ne me dis pas ce que tu veux acheter ». « Non mi dire ciò che vuoi comprare ». Non mi dire ciò che vuoi comprare. Très bien. Ici aussi, au lieu de non mi dire, vous pouvez dire non dirmi. Il y a une autre particularité pour la forme du tutoiement, pour dis-moi par exemple. On abrège cette forme en dimmi. D-I-2-M-I. Dimmi. On peut faire la même chose avec le verbe fare. Par exemple, pour dire fais-le. Ça va donner fallo avec deux L. Fallo. Fallo. Fallo. C'est ça. F-A-2-L-O. La consonne est toujours redoublée quand on rattache un pronom comme mi ou lo à la fin du verbe qui sert à donner un ordre. Par contre, comment direz-vous « ne le fais pas » ? Non farlo. Bien. Fallo, fais-le. Mais non farlo, ou bien non lo fare, ne le fais pas. Comment diriez-vous « donne-moi » ? En suivant le même principe que pour fallo. Da, dammi. Dammi, oui, puisqu'on redouble le M. Dammi. Par contre, ne me le donne pas se dit non me lo dare. Non me lo dare, tout à fait. Ou bien non darmelo.